Chapitre 1. L'hôtesse, Madame Lemercier, me laissa seule dans ma chambre, après m'avoir rappelé en quelques mots tous les avantages matériels et moraux de la pension de famille Lemercier. Je m'arrêtai, debout, en face de la glace, au milieu de cette chambre, où j'allais habiter quelque temps. Je regardais la chambre et me regardais moi-même. La pièce était grise et renfermait une odeur de poussière. Je vis deux chaises, dont l'une supportait ma valise, deux fauteuils aux maigres épaules et à l'étoffe grasse, une table avec un dessus de laine verte, un tapis oriental, dont l'arabesque répétée sans cesse cherchait à attirer les regards. Mais à ce moment du soir, ce tapis avait la couleur de la terre. Tout cela m'était inconnu. Comme je connaissais tout cela, pourtant, ce lit de faux acajou, cette table de toilette, froide, cette disposition inévitable des meubles, et ce vide entre ces quatre murs. La chambre est usée. Il me semble qu'on y soit déjà infiniment venu. Depuis la porte jusqu'à la fenêtre, le tapis laisse voir la corde. Il a été piétiné, de jour en jour, par une foule. Les moulures sont à hauteur des mains déformées, creusées, tremblées, et le marbre de la cheminée s'est adouci aux angles. Au contact des hommes, les choses s'effacent, avec une lenteur désespérante. Elles s'obscurcissent aussi. Peu à peu, le plafond s'est assombri comme un ciel d'orage. Sur les panneaux blanchâtres et le papier rose, les endroits les plus touchés sont devenus noirs. Le battant de la porte, le tour de la serrure peinte du placard, et à droite de la fenêtre le mur, à la place où l'on tire les cordons des rideaux. Toute une humanité est passée ici comme de la fumée. Il n'y a que la fenêtre qui soit blanche. Et moi je suis un homme comme les autres, de même que ce soir est un soir comme les autres. Depuis ce matin je voyage. La hâte, les formalités, les bagages, le train, les souffles des diverses villes. Un fauteuil est là, j'y tombe. Tout devient plus tranquille et plus doux. Ma venue définitive de province à Paris marque de grandes phases dans ma vie. J'ai trouvé une situation dans une banque. Mes jours vont changer. C'est à cause de ce changement que ce soir, je m'arrache à mes pensées courantes et que je pense à moi. J'ai 30 ans. Ils sonneront le premier jour du mois prochain. J'ai perdu mon père et ma mère il y a 18 ans ou 20 ans. L'événement est si lointain qu'il est insignifiant. Je ne me suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant et n'en aurai pas. Il y a des moments où cela me trouble, lorsque je réfléchis qu'avec moi finira une lignée qui dure depuis l'humanité. Suis-je heureux? Oui, je n'ai ni deuil, ni regret, ni désir compliqué. Donc je suis heureux. Je me souviens que du temps où j'étais enfant, j'avais des illuminations de sentiments, des attendrissements mystiques, un amour maladif à m'enfermer en tête à tête avec mon passé. Je m'accordais à moi-même une importance exceptionnelle. J'en arrivais à penser que j'étais plus qu'un autre, mais tout cela s'est peu à peu noyé dans le néant positif des jours. Me voici maintenant. Je me penche de mon fauteuil pour être plus près de la glace et je me regarde bien. Plutôt petit, l'air réservé, quoique je sois exubérant à mes heures, la mise très correcte. Il n'y a dans mon personnage extérieur rien à reprendre, rien à remarquer. Je considère de près mes yeux qui sont verts, et qu'on dit généralement noirs, par une aberration inexplicable. Je crois confusément à beaucoup de choses, par-dessus tout à l'existence de Dieu, sinon au dogme de la religion. Celle-ci présente cependant des avantages pour les humbles et les femmes qui ont un cerveau moindre que celui des hommes. Quant aux discussions philosophiques, je pense qu'elles sont absolument vaines. On ne peut rien contrôler, rien vérifier. La vérité, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai le sens du bien et du mal. Je ne commettrai pas d'indélicatesse, même certain de l'impunité. Je ne saurais non plus admettre la moindre exagération en quoi que ce soit. Si chacun était comme moi, tout irait bien. Il est déjà tard. Je ne ferai plus rien aujourd'hui. Je reste assis là, dans le jour, perdu, vis-à-vis d'un coin de la glace. J'aperçois dans le décor que la pénombre commence à envahir, le modelé de mon front, l'ovale de mon visage, et sous ma paupière clignante, mon regard par lequel j'entre en moi comme dans un tombeau. La fatigue, le temps morne, j'entends de la pluie dans le noir, l'ombre qui augmente ma solitude et m'agrandit malgré tous mes efforts, et puis quelque chose d'autre, je ne sais quoi, m'attriste. Cela m'ennuie d'être triste. Je me secoue. Qu'y a-t-il donc? Il n'y a rien, il n'y a que moi. Je ne suis pas seul dans la vie comme je suis seul ce soir. L'amour a pris pour moi la figure et les gestes de ma petite Josette. Il y a longtemps que nous sommes ensemble. Il y a longtemps que dans l'arrière-boutique de la maison de mode, où elle travaille, à Tours, voyant qu'elle me souriait avec une persistance singulière, je lui ai saisi la tête et l'ai embrassée sur la bouche. et ai trouvé brusquement que je l'aimais. Je ne me rappelle plus bien maintenant le bonheur étrange que nous avions à nous déshabiller. Il y a, il est vrai, des moments où je la désire aussi follement que la première fois. C'est surtout quand elle n'est pas là. Quand elle est là, il y a des moments où elle me dégoûte. Nous nous retrouverons là-bas, aux vacances. Les jours où nous nous reverrons avant de mourir, nous pourrions les compter, si nous osions. Mourir, l'idée de la mort est décidément la plus importante de toutes les idées. Je mourrai un jour. Y ai-je jamais pensé? Je cherche. Non, je n'y ai jamais pensé. Je ne peux pas. On ne peut pas plus regarder face à face la destinée que le soleil, et pourtant elle est grise. Et le soir vient comme viendront tous les soirs, jusqu'à celui qui sera trop grand. Mais voilà que tout d'un coup, je me suis dressé, chancelant, dans un grand battement de mon cœur, comme dans un battement d'ailes. Quoi donc? Dans la rue, un son de cor a éclaté, un air de chasse. Apparemment, quelques piqueurs de grande maison, debout près d'un comptoir de cabaret, les joues gonflées, la bouche impérieusement serrée, l'air féroce, émerveille et fait taire l'assistance. Mais ce n'est pas seulement cela. Cette fanfare qui retentit dans les pierres de la ville, quand j'étais petit à la campagne où j'ai été élevé, j'entendais cette sonnerie au loin sur les chemins des bois et du château. Le même air, la même chose exactement. Comment cela peut-il être si infiniment pareil? Et malgré moi, ma main est venue sur mon cœur avec un geste lent et tremblant. Autrefois, aujourd'hui, ma vie, mon cœur, moi. Je pense à tout cela tout d'un coup, sans raison, comme si j'étais devenu fou. Depuis autrefois, depuis toujours, qu'ai-je fait de moi? Rien, et je suis déjà sur la pente. Ah, parce que ce refrain m'a rappelé le temps passé, il me semble que c'est fini de moi, que je n'ai pas vécu, et j'ai envie d'une espèce de paradis perdu. Mais j'aurais beau supplier, j'aurais beau me révolter, il n'y aura plus rien pour moi. Je ne serai désormais ni heureux ni malheureux. Je ne peux pas ressusciter. Je veillerai aussi tranquille que je le suis aujourd'hui dans cette chambre où tant d'êtres ont laissé leurs traces, où aucun être n'a laissé la sienne. Cette chambre, on la retrouve à chaque pas. C'est la chambre de tout le monde. On croit qu'elle est fermée. Non, elle est ouverte aux quatre vents de l'espace. Elle est perdue au milieu des chambres semblables, comme de la lumière dans le ciel. Comme un jour dans les jours, comme moi, partout. Moi, moi. Je ne vois plus maintenant que la pâleur de ma figure, aux orbites profondes, enterrées dans le soir, et ma bouche pleine d'un silence qui doucement, mais sûrement, m'étouffe et m'anéantit. Je me soulève sur mon coude, comme sur un moyen d'aile. Je voudrais qu'il m'arrivât quelque chose d'infini. Je n'ai pas de génie, de mission à remplir, de grand cœur à donner. Je n'ai rien, et je ne mérite rien. Mais je voudrais malgré tout une sorte de récompense. De l'amour, je rêve d'une idylle inouïe, unique, avec une femme loin de laquelle j'ai jusqu'ici perdu tout mon temps, dont je ne vois pas les traits, mais dont je me figure l'ombre, à côté de la mienne, sur la route. De l'infini, du nouveau. Un voyage extraordinaire, où me jeter, où me multiplier. Des départs luxueux et affairés au milieu de l'empressement des humbles, des pauses lentes, dans des wagons roulant de toute leur force, comme le tonnerre, parmi les paysages échevelés et les cités brusquement grandissantes comme du vent. Des bateaux, des mâts, des manœuvres commandées en langue barbare, des débarquements sur des quais d'or, puis des faces exotiques et curieuses au soleil, et vertigineusement ressemblant des monuments dont on connaissait les images et qui, à ce qui semble dans l'orgueil du voyage, sont venus près de vous. Mon cerveau est vide, mon cœur est tari. Je n'ai personne qui m'entoure. Je n'ai jamais rien trouvé, pas même un ami. Je suis un pauvre homme échoué pour un jour sur le plancher d'une chambre d'hôtel, où tout le monde vient, d'où tout le monde s'en va, et pourtant je voudrais de la gloire. De la gloire mêlée à moi comme une étonnante et merveilleuse blessure que je sentirais et dont tous parleraient. Je voudrais une foule où je serais le premier, acclamé par mon nom comme par un cri nouveau sous la face du ciel. Mais je sens retomber ma grandeur. Mon imagination puérile joue en vain avec ces images démesurées. Il n'y a rien pour moi, il n'y a que moi, qui, dépouillé par le soir, monte comme un cri. L'heure m'a rendu presque aveugle. Je me devine dans la glace plus que je ne me vois. Je vois ma faiblesse et ma captivité. Je tends en avant du côté de la fenêtre mes mains aux doigts tendus, mes mains avec leur aspect de choses déchirées. De mon coin d'ombre, je lève ma figure jusqu'au ciel. Je m'affaisse en arrière et m'appuie sur le lit, ce grand objet qui a une vague forme vivante comme un mort. Mon Dieu, je suis perdu. Ayez pitié de moi. Je me croyais sage et content de mon sort. Je disais que j'étais exempt de l'instinct du vol. Hélas, hélas, ce n'est pas vrai, puisque je voudrais prendre tout ce qui n'est pas à moi.